oiseau qui a chanté, les wombats cocotiers, les lambeilles à tout véro, tout ça nous qu'a monté haut. Les Antilles, pays nous, même si nous loin, pour nous pas jamais oublier. Protéger l'amour, protéger famille.